Étude 6 du 3 au 9 novembre, image d'unité. Le verset mémorisé se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous ceux qui l'ont étudié le savent. La Bible regorge d'images et de symboles qui renvoient à des réalités plus grandes que ces images et que ces symboles en eux-mêmes. Par exemple, la nature même de tout le système sacrificiel biblique est symbolique d'une réalité bien plus grande, Jésus et tout le plan du salut. Il y a bien d'autres types d'images dans la Bible, et qui sont parfois tirés des éléments les plus simples d'ailleurs, comme l'eau, le feu, le vent. Selon le contexte, ce sont des images qui font référence à des vérités spirituelles et théologiques. Par exemple, quand Jésus a dit « Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va », il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le vent est un symbole du Saint-Esprit. La Bible renvoie un certain nombre d'images pour décrire le genre d'unité que nous trouvons dans l'Église, l'unité que Dieu l'appelle à manifester auprès de ce monde. Chaque image individuelle est incomplète, mais prise tout ensemble, ces images révèlent beaucoup de choses sur l'unité de l'Église, comme la relation entre l'Église et Dieu, les relations entre les membres et la relation entre l'Église et la communauté dans son ensemble. La leçon de cette semaine se penche sur quelques-unes de ces images et sur ce qu'elles nous révèlent sur l'unité en Christ.